Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2023 concernant vos amours. Alors on va se concentrer uniquement sur vos amours. Quel va être le conseil? De quoi va vous prévenir? Oups, l'oracle de Béline. Alors là je suis désolée pour les Gémeaux, j'ai une rupture. Alors évidemment tous les Gémeaux ne vont pas rompre au mois d'avril, mais c'est vrai que la coupe elle est pas bonne. Elle indique peut-être que vous avez aussi des craintes de rupture ou qu'il y a une rupture récemment. On va regarder en tout cas quel est le tirage pour les Gémeaux avril 2023. Parfois on a un bon tirage, hein, même si la coupe n'est pas bonne, ça peut être vos craintes uniquement. Vous voyez la coupe ici. Ah ouais, ouais. Alors. Comme quoi, je ne dis pas que du positif à tout le monde. Malheureusement, amis Gémeaux, là, ça tombe sur vous. C'est vrai que il y a des risques de rupture parce que, en couple, avec l'objet de vos désirs, apparemment, il y a beaucoup de rapports de force. Chacun veut dominer l'autre. Et c'est assez compliqué. En tout cas, vous ne vous laissez pas faire avec quelqu'un qui, pour le moment, est dans une phase un peu plus... individualiste, un peu plus égoïste, et donc du coup ça crée beaucoup de tensions, voilà, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien apparemment, faites attention à tout ce qui est réseaux sociaux, si vous échangez à travers cela, parce que ça ne sera pas bon pour vous, essayez plutôt d'avoir des messages directs, le téléphone et des conversations directes, ou rencontrer la personne, si vous vivez avec, eh bien c'est encore plus facile. Parce que, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a vraiment, vous risquez d'apprendre au mois d'avril, il y a un conflit, il y a une dispute qui peut apporter un malaise, voire des risques de rupture qui planent. Alors, je vais quand même en retirer trois parce que je ne peux pas vous laisser avec ça comme ça. Et donc, avril 2023, je ne les choisis pas. Hein. Alors, heureusement, le petit oracle que j'ai retiré en plus pour vous, il indique que après cette dispute, cette mise au point houleuse, eh bien, il y a un changement et vous allez pouvoir vous réconcilier. Mais ça, c'est plus fin avril, peut-être en mai d'ailleurs, on verra à ce moment-là le tirage de mai. Voilà, voilà. Donc, tout ne s'écroule pas. Encore une fois, si vous voulez que les choses perdurent, eh bien, vous pouvez tout. Si vous êtes célibataire, vous l'avez bien compris. Il va falloir changer d'optique parce que une déception peut vous parvenir. Et dans ce cas-là, eh bien, par contre, l'oracle vous annonce une autre rencontre, pas tout de suite, mais qui arrive après. Donc, autant faire le ménage au mois d'avril. Voilà. En tout cas, je vous souhaite bonne chance. À bientôt.